Quoi quoi Cassino, ici Mathéo du Pequagami pour Il nous propage, qui va me suivre au travers de mon voyage en fait en Europe, afin de voir un peu comment les gens font, mais aussi afin d'avoir une réflexion sur un peu qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc pour ce premier reportage justement, vu que l'année finit, j'aimerais ça faire un petit peu un constat des luttes de cette année, c'est-à-dire aller voir les points forts, les points faibles, certaines problématiques, certaines pistes de solutions, puis aussi évidemment des idées pour la prochaine année qui s'en vient, qui devrait être chargée. Donc, premièrement, au niveau des constats, on a vu que cette année, il y a eu beaucoup de mouvements chez les peuples autochtones. Il y a eu des luttes vraiment intéressantes et nombreuses. Puis, ce qu'on peut voir de positif là-dedans, c'est justement le nombre d'actions, de revendications qui ont été mises de l'avant cette année. Puis aussi, une certaine unité internationale, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui a fait qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il y a eu aussi beaucoup de réseautage de fait. On a pu le voir aussi avec l'événement qui a eu lieu dans ce qu'ils ont appelé Nouveau-Brunswick. Il y a un très grand réseautage qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de faire des actions en solidarité de façon assez générale dans ce qu'ils ont appelé le Canada, assez rapidement, quand il arrive un événement de la sorte. Puis il y a aussi un très, très grand potentiel de radicalisation dans nos luttes qui n'est pas négligeable, qu'on a pu voir aussi justement avec ce conflit-là. Au niveau des points faibles, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience qu'on a eu peu de résultats concrets au niveau des revendications. C'est-à-dire, si on regarde le mouvement Idle No More, et la grève de la fin de Chaînette Pilote, ce qui s'est passé à ce que so-called Nouveau-Brunswick, il y a eu peu de résultats qui s'est avéré une victoire. Donc, il y a aussi une certaine limite dans l'escalade de nos moyens de pression. Puis c'est peut-être causé aussi par la trop grande confiance qu'on a en nos décideurs, les conseils de bande, puis aussi dans leur inefficacité, avoir un impact réel sur les revendications. Donc, au niveau de la problématique, on peut vraiment constater qu'au niveau des représentants des conseils de bande ou des représentants nationaux des peuples autochtones, il y a une certaine pacification qui se fait avec eux. C'est en fait des agents pacificateurs qu'on appelle qui font que toutes les revendications qui sont plus radicales vont être un peu mises de côté par une certaine négociation avec le gouvernement en place, qui est souvent à notre désavantage. Je pense qu'il y a aussi un manque de regroupement, de coordination, de diffusion internation pour en venir à une certaine unité dans nos revendications, c'est-à-dire que c'est sûr que unis, on a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir, donc il faudrait peut-être penser à créer plus de regroupements internation pour justement avoir un impact assez grand au niveau du territoire pour avoir des bons moyens de pression. Dans cette idée-là, il faudrait peut-être plus de groupes affinitaires. Il manque peut-être un peu de groupes affinitaires locaux, c'est-à-dire des gens qui ont la même idée, la même direction dans une communauté, qui sont prêts à faire des actions et à faire des choses de façon concertée et de façon assez rapide aussi, parce que quand il arrive un conflit, il faut réagir rapidement. Puis si on veut amener une solidarité, disons, plus grande sur le territoire, la nécessité d'avoir plusieurs groupes affinitaires dans plusieurs communautés devient importante. C'est-à-dire qu'on a un temps de réaction qui est beaucoup plus court et une organisation qui est beaucoup plus présente. J'ai aussi constaté qu'il y avait une connaissance assez limitée dans les luttes internationales qui se passent en ce moment ou les luttes du passé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ancêtres qui ont combattu et on peut être fier de ça. Malheureusement, on les connaît pas beaucoup. Je pense peut-être au AIM Movement, American Indian Movement, Native Youth Movement. Dans les luttes plus internationales, on a les Apatistes, les Mapuches, qui sont nos frères aussi qui combattent. Donc, s'inspirer de ces mouvements-là est vraiment nécessaire. Les connaître aussi, savoir la limite de ces mouvements-là, leur efficacité et tout ça, c'est justement, c'est mettre des balles dans notre camp pour éventuellement préparer nos propres actions, préparer nos propres mouvements, puis ainsi pour répéter les erreurs du passé, mais aussi s'inspirer des victoires du passé. Dans cet ordre d'idées-là, au niveau des pistes de solution, je pense qu'il y aurait une remise en question de nos structures de conseil de bande, qui sont des structures paralysantes. C'est-à-dire qu'on a tendance à déléguer notre pouvoir de revendication à des représentants qui vont les combattre au niveau plutôt législatif. Mais je pense qu'il faudrait une remise en question de ces pouvoirs-là parce que je vous rappelle qu'on a encore toujours une loi qui nous gère, la loi sur les Indiens, puis que ces lois-là ont été créées pour une chose, c'est la colonisation. Donc de combattre sur le terrain du colonisateur est un jeu un peu à notre désavantage, tandis que si on prendrait plus des moyens de pression, disons communautaire, c'est-à-dire que dans nos communautés, on peut aussi mettre de la pression de manière différente, qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. Si on pense à un blocus ou quelque chose du genre, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace qu'aller s'asseoir avec les avocats du gouvernement, puis d'essayer de négocier des miettes pour une revendication territoriale. L'action directe aura toujours plus d'impact, surtout si elle est généralisée dans une communauté, qu'un individu qui va négocier dans les bureaux du grand méchant loup. Ensuite de ça, pour créer justement des communautés mobilisées, je pense que moi je suis en Espagne en ce moment, puis j'ai remarqué quelque chose au niveau des squats politisés, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers organisés, de trucs pour l'éducation populaire, puis je pense qu'on devrait s'inspirer de ça, c'est de créer, disons, de créer des espaces libres et des espaces qu'on peut justement se politiser, s'autonomiser, pratiquer, disons, la prise en décision en commun et autonome. Ça, c'est tous des points qui sont vraiment importants pour mobiliser nos communautés, c'est-à-dire que c'est d'aller chercher les points forts et les points faibles de chacun, puis mixer tout ça ensemble, puis de justement arriver à pallier les points faibles d'une communauté par les points forts de ces individus. Je pense que c'est le début de mobiliser une communauté en dehors justement des conseils de bande ou des structures qui sont paralysantes, justement. C'est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'aller chercher justement les choses qu'on critique de ces conseils-là, de nous aller montrer en se regroupant, en étant unis, qu'on peut passer au-devant par l'autonomie de ces problématiques-là, puis créer nos propres choses. Puis ça créerait des petites victoires locales. C'est-à-dire, mettons qu'on prend un exemple dans ma communauté. Il manque, disons, de local pour les organismes communautaires. Mais en allant chercher des locaux, on réussit à avoir des lieux communs d'organisation qui peuvent être très, très utiles dans une optique de résistance future, d'avoir des endroits où on peut se regrouper, des endroits libres où qu'on peut justement se politiser, se préparer à une éventuelle crise. Donc d'aller chercher ces locaux-là serait, dans un certain point de vue, une petite victoire qui pourrait mobiliser justement pour aller chercher d'autres victoires et justement commencer par la base justement. Ensuite de ça, justement, c'est de commencer par les victoires locales, c'est aussi d'aller chercher sa famille, d'aller chercher sa nation, ses amis. C'est ça que je pense qui est primordial, c'est-à-dire que avant d'aller penser à changer beaucoup, beaucoup de choses, il faut commencer par se changer nous dans nos communautés, s'unir, créer de la solidarité. Puis après ça, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est créer des regroupements de type confédération. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement unir les nations pour aller arriver à quelque chose de plus général. Quand une revendication dans une nation émerge, ben l'appui des autres nations, l'appui des autres communautés au niveau des actions, au niveau des actions directes vont mettre un gros, gros poids sur la balance. Puis c'est tout dans le but de réveiller les guerriers en nous, tu sais, des guerriers fiers et courageux, puis organisés aussi. Parce que l'organisation, justement, c'est ce qui amène le plus d'impact, c'est-à-dire de pas juste réagir, aussi d'agir, ça serait des grands pas pour notre liberté, justement. C'est bien aussi de comprendre aussi notre position de colonisé, tu sais, on regarde dans nos communautés, on a des problèmes de surpopulation, de pauvreté, de surcriminalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à perdre, c'est-à-dire qu'aller vers la liberté va nous amener justement des pistes de solutions pour ça, parce que ces choses-là sont des symptômes de la colonisation. On peut avoir mieux, on peut avoir plus. Puis c'est pour ça qu'on doit se battre. Puis pour la prochaine année, moi, ce que je pense qui serait une bonne piste de solution, ce serait de créer justement ces groupes affinitaires-là dans nos communautés afin d'être prêts, être préparés, puis de commencer à créer des processus de décision autonome. Il pourrait avoir aussi l'idée de créer un rassemblement autochtone, des autochtones engagés, pour faire un réseautage, puis parler des perspectives, des choses qu'on veut amener, sur quel terrain on veut se battre en commun. Puis créer justement des lieux communs dans nos communautés pour l'éducation populaire, la politisation, puis de favoriser justement l'autonomie des gens pour se préparer à ce qui devrait s'en venir, c'est-à-dire une éventuelle crise. Donc voilà, Nyaut, Tenish Komitan.